Avant de te laisser, le député du plateau, à côté du plateau, juste à côté, Amir Kadir. Oui. Qui en a dit une salée, une sucrée. Les gens ont abondamment commenté ça sur le Facebook et sur les différents sites de réseaux sociaux. On va le faire et entendre ce qu'il a dit la semaine passée concernant Radio X. Vous venez ici, vous prônez, je sais pas d'où ce que vous sortez ça, d'éliminer des radios commerciales qui sont, qu'on partage ou non les opinions, c'est des entités légales. C'est, il y a beaucoup de gens ici qui écoutent ces stations de radio-là. Monsieur le député de Mercier. Ben, pour rassurer mon collègue de la CAQ, je voudrais dire, puis attendez au moins que Québec solidaire arrive au pouvoir avant de considérer la fermeture ou pas des radios poubelles. Puis je vous promets qu'on va organiser une audience publique et une participation, une réflexion collective sur comment certaines radios abusent de leurs droits de diffusion et alimentent le mensonge et la désinformation. Totalement débile. Il n'est pas tout seul à passer de même dans l'extrême gauche, là. Mais honnêtement, je l'ai entendu dans ton show, cet extrait-là, j'étais sur le cul complètement, parce que Kadir, il nous parle souvent, là, je veux dire, on a déjà parlé, il me semblait qu'il aimait quand même le débat, il l'a déjà dit même qu'il aimait ça débattre avec nous, mais moi, le chapeau poubelle, je nous le mets pas, là, fait que, mais je comprends qu'il parle quand même de nous, même si je consens pas qu'on est une radio poubelle, non, loin de évident, là. Mais il parle de l'autre, là. Mais tu sais, c'est de m'imaginer que parce que là, lui, il dit pas on va créer une entité qui pourra réglementer la radio. Ça existe déjà, là. On a déjà tout ça, on a déjà tous les mécanismes. Ouais, mais lui, ce qu'il veut, c'est que le gouvernement élimine les radios poubelles. Ça veut dire que qui décide ce qui est une poubelle ou pas, ce sera le gouvernement. Donc, tu te retrouves avec un gouvernement qui décide la vie ou la mort des médias. Donc, les médias qui doivent critiquer et enquêter sur le gouvernement et menacer constamment de fermeture par ce même gouvernement. Fait que là, on se retrouve dans une république de bananes, carrément. Je trouve ça inconcevable qu'il ait sorti ça. J'ai bien hâte de le revoir en entrevue pour lui demander de s'expliquer là-dessus. Quoi qu'il va peut-être maintenant se sauver... contrairement à d'habitude, puis décider de plus jamais nous parler. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est, je pense que c'était avec notre collègue Éric Duhaime qui s'est embrassé. Non, ça n'a rien à voir avec Duhaime. Ce qui s'est passé, je te le mets en contexte. Vas-y. C'est que, il y a un gros débat à Québec sur, les voies réservées. Le gouvernement qui va imposer une voie réservée sur Henri IV, alors qu'il n'y a pas d'autobus qui passe là. Et là, il y a une pétition. Ça va rondement, la pétition. Les gens peuvent aller la signer sur le site de l'Assemblée nationale. En commission parlementaire, la semaine passée, alors qu'on parlait d'Enbridge, du pétrole, etc. Il y a l'ancien dirigeant du Parti vert qui est maintenant député du PQ, Scott McKay, qui a fait une petite passe à la palette au gauchiste Alexandre Turgeon, qui lui a carrément dit qu'il fallait fermer Radio X et le FM 93. Et c'est dans ce contexte-là que lui, Kadir, il a voulu être dans photo en disant, ben regarde, nous autres, là, quand on va être élus, on va être brassés. C'est ça le vrai visage de Québec solidaire. C'est pas ma tante Françoise David qui veut faire des sandwichs pas de croûte aux petits pauvres. Des soupes populaires de Hochelaga Maisonneuve, là. Le vrai visage en dessous, là, totalitaire, c'est qu'à dire. Mais j'ai eu cette histoire-là de voies réservées me fait capoter. J'ai eu une discussion justement là-dessus hier avec quelqu'un qui nous déteste, là, et la haine totale envers Radio X. Qui? Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Qui? Quelqu'un sur Twitter, là, dont j'oublie le nom. Mais il nous disait, puis là, j'ai dit, écoute, on est, c'est une station de radio qui est, tu sais, on n'est pas contre l'égalité homme-femme, on n'est pas contre le droit des homosexuels, on n'est pas raciste. En fait, on est pas... en faveur de ce que tu viens de dire. Hein. Exact, on est même des défenseurs de ça. Alors qu'un média soit contre une maudite voie réservée sur Henri IV, il me semble que ça devrait entrer dans ce qui est possible de dire au Canada. Non, mais c'est une religion, t'as pas compris, Dest, c'est une religion, c'est un dogme. On remet en question la religion du transport alternatif. Mais lorsqu'on remet ça en cause et qu'on fait un statement à l'endroit concernant la liberté de l'individu de se mouvoir de par lui-même avec un automobile ou whatever, ça, tu vas à l'encontre du dogme. Donc, il est interdit pour un média canadien, selon Amir Kadir, de refuser une voie réservée, peu importe où, peu importe si c'est cave. C'est une religion! C'est comme le Bixi, c'est comme... C'est un dogme. Tu ne peux pas remettre ça en cause et de conduire une voiture. De toute façon, Richard Bergeron l'a déjà dit, une voiture, c'est une arme.